Le site internet du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée est hébergé. Son adresse est http://www.mfa.gov.kp. Il aidera à avoir une bonne compréhension des relations extérieures et de la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée et contribuera à élargir les rapports de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République populaire démocratique de Corée et les pays étrangers, suivant l'idéal indépendance, paix et amitié.